بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a fini le chapitre du divorce. وعليكم السلام ورحمة الله. Et aujourd'hui on va continuer donc avec un chapitre qui est lié au divorce. C'est le chapitre de la période, le chapitre lié à la période de viduité. Dans ce chapitre, on va aborder la période de viduité ainsi que les dépenses, etc., etc. Barakallahu fikoum les frères. Donc, on avait vu plusieurs formes de divorce. Quel est le divorce définitif le plus long qu'on ait vu? Donc, celui qui divorce son épouse trois fois, ça c'est un divorce définitif. Il ne peut pas la reprendre, mais c'est pas le plus long. Al-li'an. Al-li'an, donc les deux époux, donc le mari qui va jurer cinq fois qu'il accuse sa femme de l'avoir trompé. Et la cinquième fois, il va rajouter le fait que la malédiction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala s'abat sur lui s'il est un menteur. Et ensuite, elle va jurer cinq fois qu'il est un menteur. Et la cinquième fois, elle rajoute le fait que la colère d'Allah s'abat si il est véridique. Ensuite, après cela, les deux sont séparés. Une séparation définitive et formelle. Ils ne peuvent plus retourner ensemble. Ils ne peuvent plus se remarier, même si celle-ci se remarie après cela avec quelqu'un d'autre. On commence la lecture du livre. L'auteur, rahimahullah, qui nous dit « Kitab ul-idad wal-istibra ». العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. العدة, la période de viduité, c'est la période d'attente de celle qui a été séparée de son époux par la mort ou par le divorce. Par la mort ou par le divorce. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. Et donc, celle qui a été séparée de son époux par la mort, dans tous les cas, elle va avoir une période de viduité. Celle qui a été séparée de son époux par la mort, dans tous les cas, elle va avoir une période de viduité, qu'elle soit enceinte ou qu'elle soit pas enceinte, etc. D'accord? Contrairement à celle qui a été séparée de son époux par, donc, alors qu'il est vivant. Donc, le talak. Là, il va y avoir, dans certains cas, une période de viduité, dans d'autres cas, il n'y en a pas, etc. Alors, il nous dit, فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا وَدْعُهَا جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا. Et donc, si cette femme, elle est enceinte, sa période de viduité ira jusqu'à son accouchement, jusqu'à ce qu'elle accouche. Ceci en se basant sur la parole d'Allah, تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Et celles qui sont enceintes, leur terme est fixé au moment où elles vont accoucher. Donc leur terme, c'est-à-dire le terme de la période de viduité. بارك الله فيكم les frères. Il y a Ibn Abbas رضي الله عنهما ainsi que Ali رضي الله عنه. Tous les deux, ils voient que, du moins ils voyaient que la période de viduité de la femme qui est enceinte, sa période de viduité se termine au moment le plus long des deux termes. Quels deux termes? En fait, il y a deux termes qui ont été cités dans le Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle nous dit, comme dans le verset qu'on vient de voir, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et celles qui sont enceintes, leur terme fixé est donc au moment où elles vont accoucher. Le moment où elles vont accoucher. Il y a un autre verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Et ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent derrière eux des épouses, celles-ci vont attendre, celles-ci vont avoir une période d'attente de 4 mois et 10 jours. De 4 mois et 10 jours. Et donc il y a deux versets qui concerne la femme dont son mari est mort. Deux versets qui concernent la femme dont son mari est mort. Il y en a un qui cite clairement la femme enceinte et l'autre qui est général. Et donc ils ont voulu lier les deux versets. Et donc ils ont dit, la femme, elle va prendre, elle va choisir la période la plus longue. Exemple, la femme est enceinte de 2 mois. Elle est enceinte de 2 mois, son mari meurt. Son mari meurt. Si elle se base sur le premier verset, sa période de viduité peut aller donc jusqu'à 7 mois à peu près. Par contre, si elle se base sur le deuxième verset, sa période de viduité, elle est de 4 mois et 10 jours. Ils vont dire, tu te bases sur le premier verset. Autre exemple, la femme, elle est enceinte. Son mari, elle est enceinte de 8 mois. Son mari meurt. Là, ils vont lui dire, tu te bases sur le deuxième verset. Ta période de viduité ne se termine pas dans 1 mois à peu près au moment où tu vas accoucher, mais ta période de viduité se termine donc dans 4 mois et 10 jours. Non. Le deuxième cas, la femme, elle est enceinte de 8 mois. Elle est enceinte de 8 mois et son mari meurt. À ce moment-là, donc, concrètement, il ne lui reste pas beaucoup de temps avant d'accoucher. À ce moment-là, eux, ils vont lui dire de choisir la période la plus longue. Quelle est la période la plus longue? 4 mois et 10 jours. L'imam Muslim, il a cité, dans son sahih, que Abu Salama ici, c'est pas le compagnon, mais c'est le grand imam parmi les tabi'i, l'élève d'Ibn Abbas. Et donc, dans Sahih Muslim, il est cité que Abu Salama ainsi qu'Ibn Abbas, ils étaient réunis chez Abu Huraira. يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليل. Il parlait de la femme qui accouche après une nuit, donc la femme qui accouche une nuit après la mort de son mari. فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين. Ibn Abbas, il a dit, donc sa période de viduité, elle va jusqu'au terme le plus long, celui des deux termes qui est le plus long, comme on a vu précédemment. Ça, c'est la parole d'Ibn Abbas. Wa qala Abu Salama, qad halat. Abu Salama, elle dit, elle est licite. Son mari, il est mort, elle a accouché le lendemain, elle est licite. Faja'ala yatanaza'ani dhalik. Alors, ils ont commencé à débattre sur le sujet. Fa qala Abu Huraira, ana ma'a ibni akhi, ya'ni Abu Salama. Abu Huraira, qui a assisté à cela, il a dit, moi, je suis avec le fils de mon frère, c'est-à-dire Abu Salama. Faba'athu Kurayban ila Ummi Salama yas'aluha an dhalik. Alors, ils ont envoyé Kurayb voir Ummu Salama pour l'interroger concernant cela. Faja'ahum fa'akhbarahum anna Umma Salama taqalat inna Subay'a al-Aslamiyya nufisat ba'da wafati zawjiha bilayl wa innaha dhakarat dhalika li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa'amaraha an tatazawwaj. Et donc ensuite, donc Kouraïb est revenu les voir et leur a informé que Ummu Salama disait que Subay'a al-Aslamiyya, elle a accouché une nuit après la mort de son époux, et qu'elle a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de cela, et celui-ci, il lui a permis de se marier. Ici, amaraha, c'est pas lui a ordonné, parce que il est important de comprendre, de savoir que l'ordre qui vient après une interdiction, les savants nous disent, ce qui est voulu par là, c'est une permission. C'est une permission. Comme on a par exemple, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Lorsque la prière est finie, ce qui est voulu, donc la prière du vendredi, lorsque celle-ci elle est finie, alors yarhamouk Allah, alors dispersez-vous sur terre. Dispersez-vous sur la terre, ici donc pour le commerce, etc., etc. Ici, ce qui est voulu, c'est la permission. C'est la permission. Et donc après Ibn Abbas, donc après les compagnons, les savants disent qu'il n'est pas connu qu'il y ait une personne qui ait émis les mêmes fatwas qu'Ibn Abbas et Ali dans ce sujet. Voilà pourquoi il a été rapporté l'unanimité des ulémas sur le fait que la femme qui est enceinte et que son mari meurt, alors sa période de viduité, elle dépend de son accouchement. Sa période de viduité dépend de son accouchement ou alors la perte de la grossesse, la perte donc de l'enfant qu'elle a dans son ventre. Ensuite, il nous dit, le cheikh, il nous dit, وَهَذَا عَامٌ فِي الْمُفَارَقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَا. Et ceci est général concernant la séparation qui a été faite par la mort ou durant le vivant de la personne. C'est-à-dire que l'homme qui va divorcer de sa femme il va la divorcer pendant sa période de viduité, donc le talaq, pendant la période de viduité, excusez-moi, pendant qu'elle est enceinte, alors sa période de viduité, elle se terminera quand elle va accoucher. Et donc il nous dit le cheikh rahimahullah, et si cette femme n'est pas enceinte, c'est-à-dire au moment de la mort de son époux, alors sa période de viduité, elle ira jusqu'à 4 mois et 10 jours. Elle ira jusqu'à 4 mois et 10 jours. La femme dont son mari meurt alors qu'elle a ses logis, quelle est sa période de viduité? Son mari meurt alors qu'elle a ses logis. 4 mois et 10 jours. Vous voyez? Elle a ses logis, ça veut dire qu'elle n'est plus enceinte. Donc sa période de viduité, c'est 4 mois et 10 jours. Ensuite, il nous dit, wa yalzamu fi muddati hadhihi al-iddah. Et il est obligatoire que durant cette période de viduité, la femme adopte le deuil. La femme, elle doit être en deuil. Ce qui est voulu ici par le deuil, il explique par la suite. أن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه. Et donc ce qui est voulu ici, il nous dit l'auteur rahimahullah, c'est-à-dire le fait qu'elle va délaisser l'embellissement, le fait de s'embellir, de se parfumer, de mettre des colliers et donc aussi de s'embellir par le hanna ou autre. Les savants, ils nous disent que ce qui est voulu ici, ce qui est pris en compte, c'est tout ce qui va attirer et donner envie à un homme de se marier avec elle. Elle doit délaisser tout cela. Elle doit délaisser tout cela durant cette période de deuil. Les savants sont unanimes sur le sujet du deuil. Il y a unanimité des savants sur le sujet du deuil. Le fait que lorsque la femme perd son époux par la mort, alors elle doit être en deuil. Et quelle est la période du deuil? 4 mois et 10 jours. La femme, elle est enceinte de 8 mois. Elle est enceinte de 8 mois. Son mari meurt. Sa période de viduité, elle est jusqu'à ce qu'elle accouche. Et le deuil, pareil. Les deux sont ensemble. Voilà. D'accord? Et donc, la période de deuil dépend de la période de viduité. La période de deuil dépend de la période de viduité. Al-huli, collier, les bijoux. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, et donc cette femme, elle va devoir rester dans sa demeure dans laquelle son mari est mort. Donc c'est ce qui est voulu par là, c'est la demeure dans laquelle il vivait avec elle quand il est mort. Donc elle ne va pas sortir de cette demeure, elle va sortir donc dans une nécessité, quand il y a un besoin. Elle va sortir pour un besoin, ce qui est voulu par là donc, barakallahu fikoum, si elle est invitée à un mariage ou autre, elle ne va pas y aller. Elle ne va pas y aller parce que c'est contraire à la période de deuil. Durant le mariage, la femme, elle va s'embellir, etc., etc. C'est contraire à la période de deuil. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ceux d'entre vous qui meurent en laissant derrière eux des épouses, alors celles-ci vont attendre une période qui est de 4 mois et 10 jours. En ce qui concerne la séparation durant le vivant de l'homme, et donc si celui-ci la divorce avant d'avoir eu un rapport avec elle, alors à ce moment-là, il n'a pas de période de viduité entre les deux. Il n'y a pas de période de viduité entre les deux, c'est-à-dire que ici, la femme, elle peut donc se remarier. La femme, elle peut se remarier si il n'y a pas eu de rapport entre les deux. Et ceci, comme on a vu précédemment, en se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Oh, vous qui avez cru, si vous épousez les croyantes, puis que vous les divorciez avant de les avoir touchées, alors, donc, à ce moment-là, vous n'avez, les concernant, aucune période de viduité que vous allez compter. Alors là, le cheikh il nous dit par contre, si il a eu un rapport avec elle, ou qu'il s'est isolé avec elle. Le fait de s'isoler avec elle, yarhamukallah, cela ne veut pas forcément dire qu'ils ont eu un rapport. Juste le fait qu'ils se soient isolés dans un appartement, dans une chambre, pendant une certaine période, etc. Juste cela, ça va impliquer ce qui suit. Et ça, c'est l'avis de Jumhur. La majorité des savants, ils voient que ce n'est pas seulement le rapport, mais c'est aussi le fait de s'isoler avec l'épouse, tout simplement parce que parfois les deux peuvent s'isoler et être gênés de dire ce qu'il s'est passé. Ils n'ont pas forcément envie de raconter leur vie, comme on dit en français. Et donc, ils peuvent s'isoler et ne pas avoir envie de dire ce qui s'est passé entre eux deux. Et donc, voilà pourquoi les savants vont prendre en compte juste le fait qu'ils s'isolent tous les deux. Juste le fait qu'ils s'isolent tous les deux. فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت. Et donc, comme on a vu précédemment, il dit le shir, à ce moment-là, après qu'il y ait eu rapport ou isolation, si cette femme elle est enceinte, alors sa période de viduité va aller jusqu'à l'accouchement, que cette période soit longue ou courte. وإن لم تكن حاملا, mais si elle n'est pas enceinte, là maintenant on va voir si cette femme n'est pas enceinte. فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. Et si cette femme, elle a ses menstrues, donc si cette femme c'est une femme qui a normalement ses menstrues, alors donc sa période de viduité sera de 3 menstrues. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Et les femmes divorcées donc vont avoir une période d'attente de 3 menstrues. Wa in lam takun tahid. Par contre, si cette femme n'a pas de menstrues, si cette femme n'a pas de menstrues, kessorira wa man lam tahid wal aïsa. Et donc, la femme qui n'a pas de menstrues, il se peut donc que cette femme, une femme, elle arrive, elle a 21 ans, 25 ans, elle n'a pas encore eu de menstrues. C'est rare, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Et donc, si cette femme n'a pas de menstrues, ou alors la femme qui a déjà eu ses menstrues, mais maintenant qu'elle est devenue, qu'elle a atteint un certain âge, elle n'a plus de menstrues. Quelle est leur situation? Alors, la période de viduité de cette femme, elle est de 3 mois. La période de viduité de cette femme est de 3 mois. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wallah, iya isna min al-mahid. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Et celles de vos femmes qui n'ont plus de menstrues, si elles doutent, alors leur période de viduité est de 3 mois. Ainsi que celles qui n'ont pas encore eu de menstrues. Ainsi que celles qui n'ont pas eu encore de menstrues. Barakallahu fikoum. Il y a unanimité. Alors, j'ai une question. Qui répond à la question? Sinon, c'est trop. Inch'Allah. Ibrahim, il répond à la question apparemment. Toyib, la femme, elle a ses menstrues. Elle a ses menstrues. Son mari la divorce. Alors que ils ont déjà eu un rapport, etc. Il la divorce pendant, donc un divorce sunni. C'est pas pendant qu'elle a ses menstrues. Mais c'est une femme qui a, elle a ses menstrues chaque mois. Quelle est sa période de viduité? 3 menstrues. Elle commence sa période de viduité. Première menstrue, deuxième menstrue, et ensuite, à cause de son âge, c'est fini, ça s'arrête. Il n'y a pas de troisième menstrue. Elle fait quoi? Elle attend 3 mois. Hein? Elle rajoute 1 mois. Je vous avais retiré. Mais là, elle n'a plus de cycle, là, c'est fini. Les savants sont unanimes sur le fait que celle-ci, elle doit recommencer la période de viduité à zéro et se baser sur 3 mois. Elle doit recommencer à zéro. D'accord? Et donc, elle a déjà fait 2 menstrues. Et ensuite, qu'est-ce qui lui arrive? Plus de cycle. C'est fini, elle recommence à zéro et elle compte 3 mois. Ça, c'est un sujet d'unanimité. Barakallahu fikoum. فإن كان التحييد وارتفع حيدها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيد فتعتد به. Et si cette femme elle a ses menstrues, mais que ses menstrues ont, ce sont, elle a eu donc une interruption des menstrues à cause du fait qu'elle allaite. Cette femme, elle a ses menstrues normalement, mais en ce moment elle allaite. Et donc elle a une interruption des menstrues. Le cheikh il nous dit, alors à ce moment, elle attend jusqu'à ce que les menstrues reviennent et ensuite elle se base sur les menstrues pour sa période de viduité. Ensuite, elle se base sur les menstrues pour la période de viduité. Et donc, ça veut dire que là, dans ce cas-là, la période de viduité de cette femme, elle peut être longue. Elle peut être longue. D'accord? D'où l'erreur à chaque fois où les frères vont dire, ah, la période de viduité de la femme, c'est 3 mois. Mais non, c'est pas 3 mois. C'est 3 menstrues. C'est 3 menstrues. Il se peut que certaines situations font que la période de viduité va être longue. Et là, l'homme, il a le temps de bien réfléchir. Hein, lorsqu'on va le conseiller, il y a ri, fais attention, tes enfants, etc., etc., etc. Et ça peut être un grand bien pour eux. Ça peut être un grand bien pour l'homme et sa femme. Non, là, c'est pas la période de l'oshi, là. Elle est en train de, là, l'exemple que le chir a cité, le fait que la femme, elle allaite. Le fait que la femme, elle allaite. Et que ça a causé l'interruption de ses menstrues. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر. Et donc si ses menstrues ont été interrompues et elle ne connaît pas la raison. Avant, elle sait que là, elle n'a plus de menstrues. Pourquoi? Parce qu'elle allait. Donc elle sait que lorsqu'elle va arrêter l'allaitement, elle va retrouver ses menstrues, ainsi de suite. Tayyib. Là maintenant, elle ne sait pas pourquoi ses menstrues se sont arrêtées. Elle ne sait pas. Elle sait très bien qu'elle n'est pas en âge d'être ménopausée. Elle n'est pas en train d'allaiter. Elle ne sait pas. Yarhamukallah. Elle ne sait pas pourquoi il y a eu une interruption des menstrues. Alors là, il nous dit, donc, l'imam Sa'di rahimahullah, elle attend 9 mois. Ihtiyatan. Ihtiyatan, c'est pour être sûr. Qu'est-ce qui est voulu ici? Être sûr de ne pas être enceinte. Elle attend 9 mois. Ça, c'est la fatwa de Omar. Radiallahu anhu. C'est la fatwa de Omar. Comme on peut le trouver dans Moussannef Abdelrazzaq. C'est la fatwa de Omar. Et ensuite, après avoir entendu ces 9 mois-là, alors, à ce moment-là, elle commence sa période de viduité de 3 mois. Les savants nous disent qu'aujourd'hui, avec l'avancée technologique, on peut savoir si la femme, elle est enceinte ou pas, beaucoup plus tôt. Pas besoin d'attendre 9 mois. Ils disent donc, à partir de là, si on arrive à avoir une preuve sûre que la femme n'est pas enceinte avant les 9 mois, on peut se baser sur cette preuve et ensuite commencer la période de 3 mois. D'accord? Parce qu'elle a plus ses menstrues. Cette femme-là, elle a plus ses menstrues. وَإِذَا ارْتَابَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْحَمْلِ لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَزُولَ الرَّيْبَةِ. Et si cette femme, elle doute après avoir fini la période de viduité, parce qu'elle a des signes qui montrent qu'elle est enceinte, elle doute. Alors à ce moment-là, elle ne se marie pas jusqu'à ce que le doute disparaisse. Donc là, sa période de viduité, elle est terminée. Mais elle ne va pas se marier juste parce qu'elle a un doute, qu'elle est enceinte, et une fois qu'elle n'a plus ce doute, à ce moment-là, elle peut très bien se marier. Alors ensuite, on a un sujet, وَمْرَأَتُ الْمَفْقُودِ, la femme de celui qui est perdu. On ne sait pas où il est. Celui qui a disparu. Qu'est-ce qui est voulu par là? La femme de celui qui a disparu. Non. Justement, le fait de dire, donc, il a déserté, on sait que là, c'est lui qui a été négligent, c'est lui qui est parti, etc., etc. Et donc, c'est lui qui a abandonné son foyer. Ça, c'est un autre cas. D'accord? Ça, c'est un autre cas. Ici, le cas que nous avons ici, en fait, ce qui est voulu par là, c'est la femme dont on ne sait pas si son mari est mort ou vivant. On ne sait pas si son mari est mort ou vivant. Il est parti pour un voyage, et ensuite, plus de nouvelles, rien du tout. C'est pas celui qui a abandonné son foyer de manière intentionnelle. Et donc, à ce moment-là, les savants, ils nous disent, le cheikh, il nous dit, « تنتظر حتى يحكم بموته. » La femme, elle attend jusqu'à ce que jusqu'à ce que le juge détermine la mort de son mari. Elle attend jusqu'à ce que le juge détermine la mort de son mari. La mort supposée, bien entendu, parce qu'on ne peut pas savoir. La mort supposée de son mari. Bihasabi ijtihadil. Et tout cela en se basant sur les efforts du gouverneur. Les efforts du gouverneur ou du juge. Et ensuite, après cela, elle va commencer sa période de viduité. Ça, barakallahu fikoum, c'est la vie qu'a choisi le cheikh Abdelrahman Saadi. Dans ce sujet, il faut savoir que les savants, ils disent, donc il y a plusieurs avis, mais ils font la distinction entre un voyage qui pouvait être dangereux et un voyage normal. Il n'y a pas de signe de danger ou quoi que ce soit. D'accord? Un homme qui est parti avec l'armée, par exemple, hein, il est parti avec l'armée, il est parti au combat, etc. Et l'armée revient sans lui. D'accord? Elle est le retour des militaires et lui, il n'est pas dans les troupes. On ne sait pas où il est. Désolé, madame, votre mari, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Nous allons le chercher. On cherche, on cherche, on cherche. Le temps passe et on ne le trouve pas. Alors là, les savants nous disent, dans ce cas-là, alors cette femme-là, elle va attendre 4 ans. Elle va attendre 4 ans. Puis, après les 4 ans, elle va commencer sa période de viduité. Et quelle période de viduité elle va commencer? C'est la période de viduité qui est liée à la femme qui a perdu son mari par la mort. Pas la période de viduité de la femme qui est divorcée. Et donc là, elle attend 4 ans et ensuite 4 mois et 10 jours. Barakallahu fikoum. Et donc ça, c'est encore une fois, barakallahu fikoum, c'est la fatwa de Omar et aussi Ibn Abbas. Et aussi Ibn Abbas. En ce qui concerne le voyage. En ce qui concerne le voyage qui n'est pas dangereux, on n'a pas vu de signe de danger ou autre, alors là, on se base sur ce que va déterminer le gouverneur ou le juge. Là, il n'y a pas de 4 mois ou autre, etc. Et donc maintenant, la divergence, barakallahu fikoum, c'est est-ce qu'on se base sur la parole de Omar, ainsi, donc sur la fatwa de Omar ainsi qu'Ibn Abbas, ou pas? Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de texte qui monte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a qu'un texte qui va jusqu'aux compagnons. Et certains savants vont nous dire, donc, les compagnons, ils ont jugé sur une situation spécifique. Et donc, on ne peut pas se baser sur cela pour donner un jugement qui va être général pour toutes les femmes qui sont dans cette situation. Pour toutes les femmes qui sont dans cette situation. Et donc, et il n'y a pas de texte. Alors, à ce moment-là, on se base sur la décision du gouverneur. On se base sur la décision du gouverneur. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi le cheikh Saadi, rahimahullah, et donc, qui ne prend pas forcément en compte la fatwa des compagnons, parce que c'est une fatwa qui est liée à une situation spécifique, et donc on ne peut pas l'appliquer sur toutes les femmes qui sont dans cette situation. Wallahu a'lam. Maintenant, barakallahu fikoum, les frères, il y en a un frère qui est parti en voyage, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Au bout d'un moment, donc, la femme, elle commence sa période de viduité. Elle commence sa période de viduité au bout d'un moment. Elle attend, allez, 15 ans. Elle attend 15 ans. Au bout de 15 ans, elle n'est toujours pas là. Là, elle demande aux ulémas. Les ulémas qui lui disent, commence ta période de viduité. Elle commence sa période de viduité. Et ensuite, elle se marie. Et ensuite, elle se marie. Et là, un peu après le mariage, il y a le mari, l'ancien mari qui refait surface. On fait quoi? Alors là, exactement, barakallahu fikoum. Donc, il y a des savants qui disent que le nouveau mari, c'est lui le mari, il s'est marié, il a fait un contrat shar'i, donc qui respecte la législation. Elle a fait un divorce qui respecte la législation. Et donc, ici, ils sont mariés, c'est son nouveau mari. Il y a certains savants qui disent que non. Il y a certains savants qui disent que non. L'ancien mari, c'est lui qui décide, soit il reprend son épouse, soit on lui redonne la dot qu'il a payée. On lui redonne la dot qu'il a payée. Et l'avis le plus juste, c'est le premier. Barakallahu fikoum, c'est le premier, c'est-à-dire que elle est avec son nouveau mari. C'est un mariage, ils ont fait un mariage légiféré. Il n'y a pas de problème en cela. Elle reste avec son premier mari, son deuxième mari. Sauf si, bien entendu, elle préfère retourner avec son ancien. Alors là, on va faire une autre procédure, ça sera le khoul, etc. D'accord? Taïb, le khoul pour le nouveau mari et ensuite aller avec l'ancien. Et ensuite, on aborde le sujet des dépenses. Alors, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa la tajibu nafaqa illa lil mu'tadda ar-raj'iyya. Et les dépenses ne sont obligatoires que pour la femme qui a un divorce annulable. Que pour la femme qui a un divorce annulable. Abdullah, est-ce que tu peux me donner un exemple? La femme qui a un divorce annulable. Abdullah, il va te. Il peut reprendre sa femme. Je veux un exemple. Là, maintenant, tu lui as expliqué c'est quoi. Maintenant, l'exemple. Quelqu'un Pendant cette période-là. D'accord? qui a Et divorce. donc, c'est pas le troisième divorce. C'est pas le troisième divorce. Donc, alors, il nous dit, le cheikh, il n'y a pas de dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires ne sont que pour la femme qui est dans cette situation. Donc, l'homme qui va divorcer sa femme, alors, donc, il s'est marié avec elle, il n'a pas eu de rapport avec elle, et ensuite, il la divorce, elle n'a pas de période. Et donc, là, c'est un mariage, c'est un divorce définitif, il n'y a pas de dépenses obligatoires. La femme que l'homme va divorcer, il va la divorcer alors qu'elle allaite. Elle allaite et elle n'a plus de menstrues à cause de son allaitement. Et donc on a dit, elle attend jusqu'à ce que les menstrues reviennent. Il se peut que les menstrues reviennent quand elle va arrêter l'allaitement au bout de 2 ans. Elle décide d'allaiter son fils pendant 2 ans. Et bien là, l'homme, il va dépenser pendant 2 ans pour elle. Pendant 2 ans, il continue à dépenser. C'est pas de barra sec. Hein? Faut faire bien attention, barakallahu fikoum, aux dépenses liées à cela, les dépenses liées au divorce. أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. Et donc les dépenses sont aussi obligatoires à celle dont son mari l'a divorcée alors qu'elle est enceinte. Alors qu'elle est enceinte. Peu importe si c'est un divorce définitif ou un divorce annulable. Lorsqu'elle est enceinte, peu importe. Divorce définitif ou annulable, il lui est obligatoire de dépenser pour elle. Dépenser pour elle, barakallahu fikoum, c'est pas lui donner 200 euros, 300 euros, c'est ce dont elle a besoin. C'est ce dont elle a besoin. Ça, c'est important, ça faut vraiment le comprendre. Et on le verra, biznillah, inshallah ta'ala, après le divorce, etc., la femme qui a des enfants, etc., etc. Et donc là, il faut dépenser logement, vêtements, nourriture, etc., etc. Et bien entendu, tout ça revient encore une fois à la capacité de l'homme. S'il n'a pas la capacité de donner tout cela à la femme après le divorce, on ne peut pas le forcer. Mais il donne en fonction de ses capacités. Et il craint Allah tabaraka wa ta'ala en cela. Il craint Allah en fonction de cela. Alors ensuite, il nous dit, rahimahullah, et tout cela en se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadh'na hamlahun. Et si ces femmes sont enceintes, alors dépensez pour elles jusqu'à ce qu'elles accouchent. Jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et nous, on va arrêter là pour ce matin. On repense cet après-midi, bi'idhnillahi ta'ala, à 15 h, pour donc le sujet des dépenses et la garde des enfants. Inch'Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.